Amandine et Benoît s'aiment dans les sous-bois. Ils s'inventent un monde aux odeurs de lilas. Et pendant ce temps-là, Cupidon prend des rides et ne s'en remet pas. Quand l'amour prend des bides à voler bien trop bas. Quand l'amour prend des bides à voler bien trop bas. Amandine et Benoît rêvent d'une maison où les rires d'enfants résonnent en chansons. Et pendant ce temps-là, le marché fluctuant, j'ai le moral en ruine. Où va donc mon argent pendant que je turbine? Où va donc mon argent pendant que je turbine? Amandine et Benoît s'endorment en rêvant de fleurs, de forêts, de bouquets de printemps. Et pendant ce temps-là, au jardin d'Hespéride, les pommiers ont fané. On fait fi du prestige des oiseaux mazoutés. On fait fi du prestige des oiseaux mazoutés. Bah, hé, c'est quoi ce truc-là? Oh, tu bousilles ma chanson, là? Je t'avais dit de pas allumer la télé. Bah, c'est quoi donc, là? Bah, voilà l'autre qui parle, maintenant. Bien. Français, française, partez en vacances, nous veillerons sur vous. Toutes les plages sont propres désormais, je vous le dis, je vous connais bien, je connais la France. Toutes les plages sont propres, d'Aquitaine en Bretagne, de Lorraine en Champagne, toutes les plages. Mais elle est complètement con, lui, y'a même pas de plage, comme dit Johnny. Quand tes cheveux s'étalent, aimez-vous les uns sur les autres, c'est ça l'amour. Ta femme elle a un beau cul, quand même. Voyez-vous, brave Jean, il va falloir m'écouter maintenant. Bah ouais. L'addition est sévère, et il va falloir payer. Mais moi je suis bien pépère, puisqu'au gouvernement. Le pétain de planquer, là. Ouais, il est complètement con, putain. Bon, Marcel, remets-moi un Ricard, là, parce que tout ça, c'est des conneries, hein. Je te le dis, moi. Bon, y a des choses plus importantes à faire, hein, je crois, quand même. Merde. Bon, faut que je m'en vais, là, Marcel. Allez, un petit dernier pour la route, là. Faut que je m'en vais, parce que y a un match à la télé. Ainsi s'en va le monde, petit français d'en bas. Tout cela n'est qu'une ronde qui ne s'arrête pas.